Je suis tellement amoureuse qu'au vrai raconter je ne puis, ni où je suis, ni qui je suis, ni combien je suis malheureuse. J'ai pour mon hôte nuit et jour, comme un tigre cruel et muet, lequel pratique de se mouer toutes les cruautés d'amour. Et si mon cœur ne peut s'armer contre l'œil qui le navre à tort, car plus il me donne la mort, plus je suis contraint de l'aimer.